par une femme. Deux. La chute réelle. Leur rue me parle, faut pas être bilingue pour me comprendre. C'est des petits qui veulent buter des grands. À 15 piges, là, le grand, la main sur le cran d'arrêt. Et c'est des mères qui pleurent leur fils en maison d'arrêt. Et toutes ces petites violées qui font voler leur innocence. Ma rue, j'en perds le sang, j'en perds ma haine, ma joie, mon bon sens. Chaque fois, chaque jour, pour chaque gars, j'entends des tchagas. Ma voisine râle à cause d'un trottoir sale, crois-moi. C'est la galère, loin de leur succursale. La misère derrière mon Vélux. J'ai prié, crié, mais la rue me refuse une vie de luxe. À chaque coin des boulevards, à chaque point, un nouveau vice se prostitue sur le trottoir. Les loups traînent tard, les gosses cherchent la maille à bandette star. Golf 4 requins, Ginger star. La rue est vers l'or, fait danser mes gens sous l'espoir des gyrophares. Tout ça pour de la maille, ma maille, notre maille, votre maille, ta maille, négro. Et le vice de gros est soufflant comme une course de fond. L'esprit vice là devient un don. Tout ça pour la maille, ma maille, notre maille, votre maille, ta maille, négro. La rue me parle, la rue me rappelle et me réclame son dû. J'entends un gosse qui se vante, un pack de balles sur sa poitrine. La rue me parle, la rue me rappelle et me réclame son dû. Amour et peine à chaque rond des boulevards. La rue me parle de ces mauvais gens. Reste dans les rangs et tiens-toi bien si pour toi ça pend. Sois sûr qu'elle n'a jamais donné son sein. Mais elle fait l'amour aux novices, repousse ses avances. Sinon la rue te ruine jusqu'à l'os. Décidé à combattre son chahut, diablesse solitaire. Seule à fréquence des ignorants qui la considèrent. Le corps d'une tympa qui chante. Les pleurs d'un gosse, le désordre d'un petit provençard. La déprime d'une mère, c'est pas rigolade seulement les jours de beau temps. La rue me dit toutes ces choses. Noir et sombre, tel les pulsions d'un ado suicidaire. On est passé à l'évidence, on peut pas tester la providence. La rue déverse ses larmes, vomit son désespoir. Et toutes ses confidences, c'est pas de la fiction. Quand un pas du gain remplace l'affection, les meilleures armes sont les convictions. Ici les bandits sont célèbres, on parle peu de ceux qui sont posés durs. Si t'as des séquelles, on dira que c'est juste la procédure. De nos proches, on fait abstraction lorsqu'on commet des mauvaises actions. La pensée pour distraction, le bitume est son attraction. On épuise nos ressources, à trop vouloir peser. On a pris haine pour épouse. Je me souviens qu'à une époque on était libre et apaisé. Je me relève quand je m'enfonce. Moi la rue c'est tous ses potes d'enfance. Très proches malgré la différence. On s'y fait malgré le choc des cultures. On s'accroche, se mélange pour une meilleure progéniture. Morin Babtou par les Wolof. Un clan des sans-faces qui parle français. Un Vietnamien qui prête sa main en disant Wallahi. J'ai vu un juif arabe s'embrasser. Une Comorienne et un Malien se marier. Une synagogue face à la mosquée. Je te parle des miracles de la rue. Que les infos de 20h ont toujours voulu masquer. La rue me parle, la rue me rappelle et me réclame son dû. J'entends un gosse qui se vante, un pack de balles sur sa poitrine. La rue me parle, la rue me rappelle et me réclame son dû. Amour et peine à chaque rond des boulevards. La rue me parle, la rue me rappelle et me réclame son dû. J'entends un gosse qui se vante, un pack de balles sur sa poitrine. La rue me parle, la rue me rappelle et me réclame son dû. Amour et peine à chaque rond des boulevards. La rue me parle, La rue me parle.